comporter comme des fous. Devrais-je me taire, laisser les choses se faire? Mais j'en ai plus qu'assez, assez de voir sangloter toutes ces mères. Les années passent, les tragédies elles ne s'effacent pas. La haine est de nos jours plus forte que la loi. Les faibles subissent, les forts s'enrichissent, les valeurs morales disparaissent. La race humaine, j'avoue, s'éloigne des bonnes pistes. J'ai cru apercevoir 5 heures plus tôt, 6 jeunes abattre 7 hommes pour quelques dollars. On tourne la page, qui donc entend pleurer cette petite sur sa fierté bafouée? Depuis que d'elle ils ont abusé, le système les entraîne, et ce jusqu'à ce qu'ils comprennent que ce pourquoi ils luttent n'en vaut pas la peine. Est-ce l'argent qui fera d'eux des hommes? Donnez-moi la force de comprendre, car ces visions m'assomment. Nowadays you know it's all about the money. Réalité t'assiège, assis sur un siège, engouffré dans les transports en commun. Comme chaque matin pour gagner ton pain, tu connais le refrain. C'est toujours la même chose, ça devient vraiment morose. Comment mettre un terme à tout cela, ou du moins une pause? Dans les journaux, les emplois font de plus en plus défaut. Info ou intox, à toi d'en juger sur ces mots. Travailleras-tu, travaillera-t-elle? Autant de questions qui nous interpellent. Mais il prévaut d'y prêter l'oreille, à l'écoute d'une jeunesse visitée par le stress, qui lance un SOS d'âme en détresse. La bouteille à la mer est jetée, le message est lancé. Matelot dans la vie active, il te faudra naviguer afin que tes rêves deviennent une réalité tangible. Car sur cette île, rien n'est impossible. Nowadays you know it's all about the money. Pourquoi les différents basés sur la couleur perdurent? Prière après prière, mes espérances se heurtent à ce mur. La peur de l'autre est bien souvent fatale, à un point tel que l'homme devient un animal. Ces cris résonnent dans ma tête, pour toutes les fois où par des actes déplacés, certains firent naître les préjugés. Comment peut-on demander le respect si de l'étiquette violence, nul ne se défait? Face à la réalité de tous les jours à laquelle on est confronté, nez à nez, œil pour œil, dent pour dent. Le malheur des uns fait le bonheur de certains, mais pour d'autres, l'avenir reste incertain. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, j'en ai vu de haut. Tomber vraiment très bas pour ne pas rester en bas, à toi de faire ton choix, car à chaque jour, à chacun son combat. Nowadays you know it's all about the money. People trip and they start to act funny. Oh, this madness goes on and on and on. Donnez-moi la force de comprendre, car ces visions me sortent.